Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si Mozart était le plus grand des improvisateurs? Et si pour parler de son travail, il fallait convoquer deux termes, deux concepts, que sont le naturel et la grâce? Et si plutôt que de parler de Mozart, on laissait la parole au piano et à son pianiste, venu pour vous ce matin interpréter, analyser et surtout jouer des sonates de Mozart? Alors peut-être pourrions-nous saisir au cœur des notes et des silences qui composent sa musique l'origine, paraît-il, divine de son inspiration. Voici la fantaisie en ré mineur, interprétée pour vous par le compositeur Carole Beffa. Bonjour Carole Beffa. Bonjour Anne Bonnerette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Savez-vous que pour vous, nous avons fait ouvrir à nouveau le studio 108 de la Maison de Radio France qui contient ce piano. Merci. Sur lequel vous jouez, qui est un magnifique piano, on peut le dire, non? Tout à fait, c'est un très joli Steinway. Voilà, et vous venez d'interpréter la fantaisie en ré mineur de Mozart, qui est une fantaisie, alors vous avez joué que le début, et si on écoute la suite, peut-être qu'on l'écoutera un peu plus tard, elle change radicalement de ton, de rythme, il y a vraiment des césures très importantes. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de la jouer ce matin? Oui, j'ai pensé que c'était une bonne introduction à l'univers de Mozart. En fait, c'est assez paradoxal, hein, parce qu'il va être presque essentiellement question de musique pour piano de Mozart. Et pourtant, j'aurais tendance à dire, bien que je sois pianiste, que le piano n'est probablement pas le meilleur moyen d'accéder à la pensée mozartienne ou au génie mozartien. Quand on pense à Mozart, on pense peut-être avant tout aux opéras, éventuellement aux lieders, aux airs de concert. On pense à la musique de chambre, à de sublimes quatuors, à des quintettes à cordes très beaux. Et je ne pense pas qu'on songerait en priorité à sa musique pour piano. Ici, il ne s'agit pas d'une sonate, mais il s'agit d'une fantaisie qui porte bien son nom, parce que Mozart était, comme à peu près tous les compositeurs de son temps et du siècle qui a suivi, un génie de l'improvisation, en plus d'être un génie de la composition. Je pense que ça se ressent dans cette fantaisie qui est pleine de lyrisme, certes, mais qui est pleine surtout, on va dire, d'une certaine imagination, d'un certain côté rhapsodique, qui, je pense, le rattache tout à fait à l'improvisation. On a l'impression, quand on commence de jouer cette œuvre, que Mozart voulait donner l'impression que le pianiste voulait prendre possession du clavier, et c'est effectivement ce qui se produit. Il hésite, il tâtonne d'abord sur ses premières harmonies. On a finalement la même phrase qui est donnée à entendre une première fois, mais comme une fois ne suffit pas pour savoir où on va aller, il la joue une deuxième, et puis ensuite, même dessin mélodique, mais on va vers autre chose. Là, à nouveau, une fois c'est bien, deux fois c'est mieux, à la troisième qui est ici, il faut qu'on change. Et on va changer effectivement le tout, amené par une espèce de grand crescendo, on va vers autre chose, et au lieu d'avoir une phrase de quatre temps, on va avoir des phrases de deux temps, et on croit s'arrêter sur quelque chose qui est arrêté. Ce qu'on appelle techniquement une demi-cadence, c'est-à-dire un arrêt vers quelque chose d'assez suspensif et non pas conclusif, comme s'il s'agissait d'une cadence parfaite. Et là, alors qu'on a eu tout ce long dessin rhapsodique, donc encore une fois, qui exprime bien cette fantaisie si bien nommée, on a tout à fait autre chose. On va avoir un adagio avec quelque chose d'assez singulier. Et j'ai dit que Mozart n'était probablement pas à connaître en premier sous ses œuvres pour clavier. Et pourtant, dans ses œuvres pour clavier, tout chante. On a l'impression que c'est une voix qui parle et on en a, je pense, une bonne illustration ici. On a le même sentiment d'hésitation avec d'ailleurs des interruptions. Ici, cette voix doit reprendre son souffle. Et puis, on va avoir autre chose avec, très souvent chez Mozart, l'idée que vous avez une phrase avec une désinence qu'on appelle parfois non conclusive, féminine, et une désinence plus conclusive, masculine. C'est probablement le vocabulaire de l'analyse qui est encore très genré et un peu sexiste. Donc, encore une autre tonalité, et puis, Ici, un autre coup de tonnerre, en tout cas quelque chose de dramatique, un coup de théâtre. Ou, si on avait quelque chose de plutôt vocal dans la phrase qui précédait, ici on a quelque chose de plutôt orchestral. Finalement, c'est... Alors c'est toujours facile d'anticiper sur ce qui vient, mais on a quelque chose qui est presque pré-beethovenien, qui annonce Beethoven par l'importance qui ne sera donnée non plus à la mélodie, comme c'était le cas précédemment, mais plutôt, on va dire, au contraste, à l'importance des nuances, des dynamiques, bref, au coup de théâtre. Et c'est ce qu'on a une première fois, coup de théâtre. Interruption, il faut laisser le silence parler, si j'ose dire, et puis tout à fait autre chose... Avec à nouveau une interruption, mais plus brève celle-ci. Quelque chose de plus capricieux, ici. Et on se dit, bon voilà, Mozart pourrait jouer avec ces deux thèmes, les combiner, les opposer l'un à l'autre. Mais non, en fait, il fait appel à un autre thème, un troisième, et ça ne sera pas le dernier. C'est assez incroyable. On avait un Mozart badin, rêveur, promeneur, qui était le premier qu'on avait. Ensuite, on avait un Mozart plus lyrique, un Mozart plus dramatique, celui des coups de théâtre dont je vous ai parlé. Et puis, bizarrement, ici, on a un Mozart qui est tout cela et quelque chose de plus. Il n'est certainement pas mélodique, puisque la mélodie en elle-même... C'est une note qui se répète. C'est une note qui se répète, exactement, vous avez raison. Donc, ça n'a... d'une certaine façon, aucun intérêt. Mais comme Mozart est un compositeur qui adore faire quelque chose de génial à partir du rien, à partir de ce qui apparemment n'a pas d'intérêt, il va faire quelque chose de génial avec, en réalité, quelque chose qui serait essentiellement harmonique. Alors, je rappelle la différence qu'il y a entre harmonie et mélodie. On a parfois tendance à confondre les deux parce que on confondra aussi de la même façon une musique qu'on dira mélodieuse, une musique qu'on dira harmonieuse. La mélodie, on va dire que c'est l'étude de la musique ou la façon de la percevoir d'un point de vue horizontal. La mélodie sont les lignes horizontales. Et puis, l'harmonie, c'est au contraire la façon de percevoir la musique d'une façon verticale. C'est l'enchaînement des accords, sont les accords eux-mêmes, les harmonies, comme on dit. Et ici, c'est effectivement ce qu'on a avec un premier accord, et puis davantage encore de lyrisme, et d'accentuation avec un autre encore. Tous ces accords, remarquez-le, vont vers le bas. On a un côté un peu dépressif, comme si tout ce monde-là s'orientait à chaque fois vers quelque chose de plus grave et que cette gravitation avait aussi quelque chose d'une certaine gravité. Et on va aller vers, là à nouveau, une interruption. Remarquez une chose dont on parlait juste avant, c'est le fait que jusqu'à présent, on a affaire à, on va dire, des bouts de ficelle qui sont raccommodés, mais raccommodés avec génie, donc tressés avec le génie de Mozart, parce que tout ce que l'on a, en fait, ce sont curieusement des extraits qui vont vers un moment suspensif. On n'a que des suspensions qui s'enchaînent les unes aux autres, sans aucun caractère conclusif, sans cette cadence parfaite qui pourrait nous donner l'impression que l'on est quelque part et que l'on sait stabiliser. Ici, on reste à la fois dans le suspensif, et ça va être le cas encore pour la phrase qui suit, qu'on pourrait analyser un peu selon la même optique. Et alors, avant qu'on parle plus en avant de ce que vous venez de jouer, peut-être qu'on la réécoute en entier, là quand même le suspense est insoutenable, on a envie d'entendre juste la phrase qui suit, qui rompt radicalement avec tout ce que vous venez de jouer. Tout à fait. On va avoir quelque chose qui est assez étonnant parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à une succession de petites friandises, de fioritures, un travail presque millimétrique, microscopique, à partir d'une phrase qui, en soi, est assez simple. Et comme souvent chez Mozart, encore une fois, c'est à partir d'une extrême simplicité qu'on va avoir, via la sophistication de son pouvoir de compositeur, quelque chose de tout à fait admirable. Je vous le fais entendre. Bref, c'est en fait le même motif rythmique, avec son hésitation, quelque chose comme un hoquet, comme si on avait affaire à des sanglots que l'on aurait du mal à réfréner. Et tous ces hoquets ont lieu quasiment de la même façon, mais avec des notes différentes. En réalité, l'harmonie, là, pour le coup, est assez simple. si je schématise, on a affaire à... Puis... Puis... Puis... Mais en réalité, on ne va pas avoir simplement ces notes répétées, qui auraient quelque chose probablement d'un peu lassant, mais on va avoir encore une fois quelque chose qui s'enrubane autour de ces notes. Et puis, avec ce hoquet, cette interruption, ce silence, qui en fait tout le prix. Alors, une première fois, une deuxième, une troisième, et c'est là qu'on va changer. Une première. Même principe. Et ici, c'est, on va dire, à un niveau supérieur de structure, que l'on va avoir cet autre principe de Mozart, qui est, une fois qu'on a eu ces trois données, eh bien, il va falloir changer, et donc la quatrième mesure va nous faire entendre quelque chose d'encore différent. Une première fois, mais une deuxième fois sera encore mieux. Et encore une fois, on est dans quelque chose de suspensif avec un point d'arrêt, c'est-à-dire une mesure totale avec son point d'or qui dit qu'il faut s'arrêter, prendre son temps et passer encore à autre chose. Et donc, dans cette fantaisie, qui encore une fois est effectivement une fantaisie à la fois par le titre et par le caractère, on a effectivement des sautes d'humeur, un passage d'un moment à un autre, qui est assez représentatif d'ailleurs de l'esthétique de Mozart, qui parfois se prête assez peu à l'analyse, contrairement à ses contemporains ou quasi-contemporains que serait Haydn par exemple, ou Beethoven, parce que chez lui, on n'a pas affaire, on va dire, à ce qu'on appellerait parfois un thème 1 ou un thème A, et puis en opposition un thème B ou un thème 2 qui s'opposerait, mais une multitude de thèmes qui s'entrechoquent les uns les autres, et dont on ne sait pas trop quand on les entend lequel est censé être le thème prédominant, le thème hégémonique. Donc Mozart est plus difficile à analyser que d'autres compositeurs, c'est ce que vous dites ? Il me semble que cette grâce de Mozart, ce naturel, on essaiera de revenir là-dessus. Oui, vous nous direz ce que vous voulez dire par ce terme. C'est quelque chose d'évidemment très difficile à ressentir et encore plus à expliciter. On a l'impression que ça tient justement à cette incapacité qu'on peut avoir à premier abord à analyser Mozart. Mozart se dérobe chaque fois que l'on veut pousser un peu loin son investigation. Ce qui n'est pas forcément le cas de Beethoven ou de Haydn, dont on a l'impression parfois lorsqu'on les a bien décortiqués, qu'on a eu affaire à cette déconstruction de mécano et qu'il suffira de reconstruire ce mécano pour retomber sur bien le chef-d'œuvre que l'on avait sous les mains. Avec Mozart, c'est plus difficile. On a l'impression d'avoir affaire à un compositeur qui, à chaque fois qu'on essaye de l'attraper, se dérobe, va ailleurs. Vous l'expliquez, ça ? Comment l'expliquer ? Je pense que c'est lié probablement à cette incroyable fantaisie. Encore une fois, tous les compositeurs de son temps, et c'est en tout cas le cas aussi de Beethoven, sont aussi des génies de l'improvisation. Et on peut se dire que Mozart paraît si rhapsodique, si fantaisiste, du fait que la plupart de ses œuvres seraient, lorsqu'elles sont décrites pour clavier, en réalité, comme des improvisations notées. Qu'est-ce que ça veut dire, une improvisation ? Parce qu'il y a des partitions, une improvisation, c'est ce qui n'est pas écrit. Alors, c'est, peut-on penser, comme c'était le cas d'ailleurs chez son grand prédécesseur qui était Bach, cette capacité qu'il avait effectivement à se mettre au clavier, au clavecin ou à l'orgue, et à improviser de longues phrases, tout un morceau, tout un long morceau, et avec la mémoire prodigieuse qui était la sienne, de coucher sur le papier cette longue phrase. J'ai eu la chance de jouer peu de temps avant un film qui a fait beaucoup parler de lui, qui était l'Amadeus de Forman, dans une série en 6 épisodes de Marcel Bluval, où Léopold était joué par Michel Bouquet, où je faisais Mozart à 7 ou 8 ans. Et dans une des scènes par lesquelles Marcel Bluval a fait ses essais pour sélectionner son Mozart à 7 ou 8 ans, son comédien, il me faisait dire un texte, où il était question d'une rivière à Salzbourg qui était comme gelée, et disait le jeune Mozart, ensuite, lorsqu'il s'est mis sur le papier, tout s'est remis à couler, comme si la rivière qui avait gelé se remettait effectivement à l'énon liquide. Et si tout cela était dans la tête du compositeur. On se demande parfois pourquoi certains autographes de Mozart sont si propres. C'est probablement lié au fait que, effectivement, avant de se mettre à copier, à restituer à la main ce qu'il avait intérieurement dans la tête, il fallait qu'il l'ait pleinement dans la tête et que cette rivière soit effectivement tout entière cristallisée dans sa tête avant de se mettre à couler. D'où, donc en fait, improvisateur, ça veut dire qu'il écrivait d'un seul coup, dans sa tête, ce qu'il est. D'une certaine façon. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre l'improvisateur et le compositeur. L'improvisateur, c'est un compositeur qui n'utiliserait pas sa gomme, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas la possibilité de repentir, de revenir sur ce qu'il a fait. C'est un compositeur live, si j'ose dire, un compositeur dans l'instant. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de travail, en fait. Oui. C'est là où on parle du génie ou du don. Exactement, on parle du génie ou du don. Mozart était probablement l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique. C'était, on le sait, un enfant prodige. Alors il y avait un autre prodige peu de temps après lui qui était Mendelssohn, qui lui aussi était un multi-instrumentiste, qui est mort lui aussi assez jeune. Un peu plus tard, on a d'autres compositeurs comme Korngold aussi, qui nous a laissé par exemple une sonate pour piano écrite à 11 ans, qui est un chef-d'œuvre qu'on peut encore jouer aujourd'hui et qui est joué par certains pianistes. Mais chez Mozart, il y a effectivement une première chose qui est le fait d'abord que, comme son père était déjà un très grand compositeur et un très grand pédagogue de son temps, on n'est pas tout à fait sûr que tout ce qui est présenté comme ayant été écrit par le jeune Wolfgang à 6 ans, soit effectivement de lui totalement, s'il n'y a pas son père qui était passé derrière. Bon, première chose. Et puis deuxièmement, oui, effectivement, son génie tient probablement à cette capacité incroyable que l'on a à entendre sa musique, et quel que soit le degré de surprise que l'on peut avoir, et il est parfois grand, on a le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de parfaitement naturel. Je prends un autre exemple. Mais vous maintenez le terme de génie. Vous êtes compositeur, vous êtes pianiste, donc vous êtes essayé au travail. Aucun doute, Mozart est un génie absolu. Et si la quantité pouvait seule compter, évidemment, ça n'est pas qu'elle qui entre en ligne de compte. Le seul fait qu'il ait écrit autant d'opus, donc 600 à peu près dans le catalogue de Köchel, en si peu de temps, dans les 35 ans qu'il a eu à vivre, montre assez quel génie il pouvait être. Si vous prenez un autre génie, qui a aussi beaucoup écrit, alors quelques temps avant Mozart, et quelqu'un pour qui Mozart avait énormément d'admiration lorsqu'il a vraiment connu sa musique, Bach, Jean-Sébastien Bach. Ici, on a effectivement quelque chose d'assez singulier, c'est cette sublime machine à coudre dont parlait Colette, qui veut dire que ce naturel est présent à chaque fois, alors même qu'on peut avoir une grille harmonique très stricte, qui nous est presque imposée, qui est celle-ci. Et à partir de ça, c'est-à-dire de pas grand-chose, Mozart déroule son fil de façon géniale. Si on prend maintenant un autre, Prélude des fugues peut-être le plus célèbre, ici, même chose, on a finalement des harmonies que Bach fait entendre deux fois. Et finalement, on va avoir finalement une œuvre qui va être bâtie simplement sur ce conduit harmonique. Et je vais plus vite exprès. Chez Mozart, on va dire que ce type de prélude monothématique qui n'aurait qu'un seul thème et qui reposerait finalement sur une carcasse harmonique relativement simple et qui dicterait la totalité de la composition, c'est une chose assez peu courante, c'est une chose qu'on a pratiquement jamais. On va avoir quelque chose d'un peu semblable dans une des sonates qu'on pourrait examiner maintenant, qui est sous la forme d'un thème et variation. Sonate dont on connaît peut-être un peu plus le dernier mouvement, qui est un charme truqué, anagramme de marche turque. Alors je précise, avant de vous entendre jouer ce morceau au piano, Carole Beffa, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter vraiment, puisqu'on est tout de suite parti dans ce cours absolument passionnant pour lequel je vous remercie, que vous êtes, en plus d'être compositeur et pianiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous écrivez toujours de nombreux ouvrages, et le dernier en date est un livre à quatre mains, les anagrammes à quatre mains, une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres aux éditions Actes Sud, avec Jacques Perisalco, et dans ce livre on trouve plusieurs anagrammes liés à Mozart, et notamment donc Marche turque, ça donne Charme truqué. Charme truqué, et vous faites un petit texte pour peut-être montrer comment le lien entre la marche turque et le charme truqué, la sonate que vous allez nous jouer est celle qui conduit à la marche turque. En fait, cette sonate comprend trois mouvements. Le premier mouvement est un thème et variation. Je vais un petit peu essayer d'expliquer quel est le principe des thèmes et variations, qui se comprend assez bien. Et c'est surtout du thème qu'on va parler. Alors, thème et variation, chacun des arts, et la musique en particulier, on va dire, repose sur une dialectique assez subtile entre un principe unificateur et un principe qu'on pourrait dire diversificateur. Si vous avez trop d'unité, alors le risque, c'est qu'on s'ennuie. C'est qu'on soit dans quelque chose, un tout qui soit trop homogène, et qu'il nous manque ces espèces de fêlures de l'être qui nous permettraient de pénétrer davantage dans l'œuvre. Si au contraire, on a affaire à trop de diversité, à quelque chose qui nous paraît éclatée dans tous les sens et dont on ne perçoit plus l'unité, alors on a du mal à saisir l'œuvre comme une totalité. Dans le principe du thème et variation, vous avez ça très exactement. C'est-à-dire que vous avez un thème que je vais jouer et qui va être décliné sous différentes facettes dont on a l'impression que les expositions successives vont finalement subsumer ce thème pour en donner, donc encore une fois, ces déclinaisons qui peuvent être des déclinaisons avec des modifications harmoniques qui sont apportées, mais en général, la structure harmonique est considérée, conservée. Ça peut être des modifications ornementales, c'est ce qu'on va voir ici. Enfin, toutes choses qui font que on ressent le même principe d'unité parce qu'il s'agit de variations d'un thème, mais on est dans la diversité parce que ces variations sont, par définition, toutes différentes les unes des autres. Peut-être que je vous fais entendre le thème. Dites-nous de quelle sonate il s'agit. Alors, il s'agit d'une sonate en La majeur, dont le Köchel, si je ne m'abuse, est K332. Alors Köchel, c'est celui qui a référencé les œuvres de Mozart. Köchel était un savant, effectivement, qui a référencé les œuvres de Mozart. Et pour l'essentiel, le catalogue que l'on connaît de Mozart, c'est à lui qu'on le doit. Voici le thème qui repose sur un principe de symétrie qu'on entend assez bien. Alors, écoutez d'abord. C'est ce qu'on a une première fois et puis on a l'impression d'avoir à faire la même chose, mais en réalité c'est un ton en dessous, un degré en dessous, et puis on va encore en dessous pour remonter cette fois. Ce qui fait quatre mesures. Une première, un, deux, donc on est comme une espèce de prolongement, 3, 4, et à nouveau 1, 2, comme au début, 3, et si évidemment ça change, 4, et on va avoir une cadence conclusive. Donc quelque chose de suspensif d'abord, ce qu'on appelle parfois l'antécédent, quelque chose de conclusif, ce qu'on appelle en général le conséquent. Ça, c'est la première partie. Il y a une reprise que je n'ai pas faite, parce que ça risquait d'allonger un peu plus. Et on va avoir, ce qui est assez étonnant, dans ce thème qui est donné à entendre vraiment comme thème, quelque chose dont on a l'impression que c'est déjà comme une variation de ce qu'on vient d'entendre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais on va avoir un monnayage différent, hein, c'est-à-dire qu'ici, on sent vraiment le tempo qui serait celui de la noire pointée. J'essaie de pas être trop technique, mais 1, 2, 1... Et ici, c'est plutôt la croche qu'on va entendre. 1. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On compte. Et puis on revient au point de départ. 2, 3, 4. Et ici, on va avoir deux mesures qui sont comme une espèce d'appendice qui n'entrent pas dans cette logique de carrure par quatre, mais qui sont là pour nous dire « Oui, c'est bien la fin. Vous avez bien entendu, c'était effectivement la fin que je voulais signaler. » Donc avec une nuance plus forte, quelque chose de plus affirmatif, plus décalé. Et ensuite vient cette variation qui... je pense, à nouveau, relève de cette esthétique de la grâce dont on a déjà un peu parlé. Je pense que, avant d'en parler et de la jouer, je voudrais quand même insister un tout petit peu sur une chose qui tient à la question de la grâce et pourquoi est-ce qu'il en a été question jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que je parle de grâce et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une chose qui est intéressante chez Mozart, je pense, qui est liée au fait que, chez lui, on a comme une espèce de style galant, qui est pour la première fois le fait qu'on a l'impression d'avoir un style universel. C'est comme une espèce de premier exemple de mondialisation en musique. En fait, le monde, hein, c'est pas grand-chose, c'est probablement la moitié de l'Europe à cette époque-là. Mais quand même, auparavant, vous pouviez avoir à Naples, par exemple, le style de Pergolèse. À Venise, vous aviez le style de Vivaldi. En Espagne, vous aviez Scarlatti. Vous aviez à Londres, Handel, qui avait été adopté par les Anglais. Chaque pays avait, d'une certaine façon, sa façon, sa couleur, sa manière de faire de la musique. Et puis, on a l'impression d'avoir affaire, à l'époque de Mozart, mais aussi de ses contemporains, finalement le même vocabulaire harmonique. Donc, ce qui est passionnant chez Mozart, et ce qui fait que son génie parfois se détache autant des autres, c'est que, en somme, il utilise le même vocabulaire que son contemporain. Mais il a cette façon de faire, cette manière d'être, cette manière de faire de la musique, encore une fois, cette grâce, cette chose assez difficilement définissable, qui fait que c'est lui et pas un autre. Donc dans grâce, vous n'entendez pas la connotation divine, comme ce que Dieu donne à l'homme. On peut l'entendre aussi, mais d'une façon paradoxale. D'abord, s'agissant effectivement de cette chose, il faut bien voir que jusqu'alors, une bonne partie de la musique était faite dans les églises. On avait l'impression que on écrivait de la musique pour Dieu. Et puis, à partir de Mozart et de ses contemporains, on a multiplication des cours et la musique s'embourgeoise d'une certaine façon. Elle est parfois faite dans des cours et non plus simplement pour Dieu. C'est comme si elle était faite pour des hommes. Et effectivement, la question longuement débattue et qu'on aurait du mal à trancher de savoir si la musique est en langage, on a l'impression qu'elle devrait recevoir chez Mozart une réponse affirmative. Parce que on a vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui parle. C'était le cas ici, même si en réalité ce sont deux personnes qui parlent à l'unisson, hein, qui parlent finalement de façon parallèle. J'ai pas quelqu'un qui va dire. Où on aurait la main droite qui parlerait et la main gauche qui l'accompagnerait. Ici les deux parlent de concert. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que. Ce sont des paroles pour vous. D'une certaine façon, alors des voix. Quelqu'un pourrait s'amuser effectivement à mettre des paroles là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'on a vraiment le sentiment que on va avoir quelqu'un qui va dire une chose, et puis son contraire, et puis on va avoir comme ça simplement, remarquez, il fait très beau aujourd'hui. Non, il me semble pourtant qu'il pleut. Vous allez avoir comme ça, de temps en temps, le sentiment que des gens se coupent la parole, se disent des choses assez différentes, ce sera peut-être encore plus perceptible dans la sonate que l'on va considérer après celle-ci. Mais cette façon de parler, je la retrouve ici, avec d'ailleurs les interruptions, comme ces hoquets que l'on avait dans cette première variation. Ça, c'est une autre façon de parler qui n'a plus grand-chose à voir avec celle-ci. Que j'avais pourtant déjà des rythmes. Et puis, une façon encore différente, on était piano, on va être ici forte, donc on a l'impression que c'est tout l'orchestre qui prend la parole. Et puis à nouveau, on a notre babillard qui reprend la parole, une espèce de moulin à parole. Pour revenir à notre thème initial, etc. Et donc, oui, c'est comme autant de personnages qui seraient là. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux me permettre de parler de personnages ? Rien ne l'indique de façon très nette. Mozart n'a pas dit, à ma connaissance, dans sa correspondance ou ailleurs... Qui est énorme pourtant. Oui, qui tient en un certain nombre de volumes. Je ne sache pas qu'il ait dit « Oui, j'ai voulu suggérer ici un babillard, ici au contraire quelqu'un qui serait mutique, qui ne dirait rien. » Non. Mais c'est effectivement la sensation qu'on peut avoir à l'écoute d'une partie de sa musique et notamment de sa musique instrumentale pour laquelle précisément il n'y a pas de parole. Donc ça, c'est propre à Mozart. Parce qu'en clair, qu'est-ce qui distingue ce que vous venez de jouer, ce que vous dites de la musique de Mozart, de la musique d'un autre compositeur ? Alors, c'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Difficile de donner une réponse univoque. D'abord parce que si vous prenez le premier Beethoven, il est finalement assez proche de Mozart. Si je prends par exemple ce qu'on connaît sous le nom de deuxième concerto de Beethoven, qui en réalité a été écrit avant le premier... « On a vraiment le sentiment d'avoir à faire à peu près la même chose, cette espèce de gaieté du majeur, on y reviendra, cette façon aussi de s'interrompre parfois pour laisser parler les silences, et puis ce naturel, cette grâce, ces phrases qui sont à chaque fois admirablement décidées. Difficile de dire qu'on n'a pas affaire à du Mozart. Donc, le doute est permis. Mais j'aurais tendance à dire que chez Beethoven, on a le sentiment souvent d'avoir affaire plutôt au technicien, à l'ingénieur de génie, bien sûr. Mais peut-être plus qu'à ce babillard incroyablement éloquent, à quelqu'un qui serait beaucoup plus, on va dire, dans la réflexion, dans l'introspection parfois, même si Mozart aussi sait être introspectif et intime, quelqu'un qui serait peut-être plus dans le calcul. Mozart serait davantage en calcul ? Non, ce serait Beethoven. Beethoven. Mozart calcule d'une certaine façon, mais comme il calcule avec génie, avec grâce, il ne donne même pas l'impression de calculer quand il calcule. Alors, il y a une certaine facilité à vouloir les opposer comme étant l'un l'hypersensible et l'autre l'hyper-rationnel ou l'hyper-calculateur, mais je pense que ça joue de temps en temps. Alors, vous aviez une autre sonate que vous vouliez proposer. Alors, on a entendu la fantaisie numéro 3 en ré mineur, la sonate pour piano numéro 11 en la majeur. On continue dans le majeur et puis ensuite, on entendra à nouveau une sonate en mineur parce que peut-être vous nous direz ce qui change de la tonalité de chaque sonate selon qu'elle soit en majeur ou en mineur. Voici donc la sonate pour piano numéro 12 en fa majeur sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Alors, je vais essayer de la commenter au fur et à mesure que je la joue. C'est déjà étonnant parce qu'on a en fait plusieurs choses dans cette simple phrase qui n'est qu'un début. On a d'abord le sentiment d'avoir affaire à une mélodie accompagnée, comme une espèce de lead. À nouveau, c'est la métaphore vocale qui vient à l'esprit, avec ce que Mozart fait assez fréquemment. C'est-à-dire en fait des harmonies, mais au lieu d'être entendues de façon massive, comme en homorythmie, comme une harmonie, d'un seul bloc, il va, dentelier qu'il est, préférer les faire entendre avec un dessin mélodique. Et les deux superposés, ça donne ça. Ici, on a encore autre chose qui est comme une espèce de pont, de conduit, donné à entendre à la main droite, mais la main gauche prend la relève en faisant entendre exactement la même chose. Et ici, on a cette fois une écriture à trois voix, et puis une cadence conclusive. On se dit, bon, très bien, il va peut-être passer à autre chose. Mais non, il reste dans cette tonalité, majeure, fa majeure, avec quelque chose de très étonnant, qui est comme une espèce d'écho de chasse à cour. On a comme un appel de chasse. Là, encore une fois c'est bien, ce qu'on avait entendu une première fois. Pourquoi est-ce que je dis chasse à cour ? On a vraiment le sentiment d'avoir ici les cors, ou les trompettes, ou les deux qui joueraient. Ce que Beethoven réutilisera à sa façon plein de fois, et par exemple dans la 9e symphonie. C'est le même principe d'écriture. Et une fois c'est bien, mais une deuxième fois ça va être encore mieux avec ce qu'on appelle techniquement un monnayage plus rapide, c'est-à-dire au lieu d'avoir, on va avoir quelque chose de plus orné, et c'est la même musique. Et là, un aspect plus conclusif, et encore plus conclusif, parce que à nouveau Mozart veut nous dire, bon, vous avez compris, hein, on a fini. Et une première fois ça ne suffit pas, donc une deuxième fois il nous redit, on a fini. Et ça n'est que là qu'il va pouvoir passer à autre chose. Avec quelque chose de plus théâtral qui essaie d'arriver ici. Etc. Donc quelque chose qui prend en intensité, on était passé du piano au forte, qui prend surtout en dramatisme, qui gagne en dramatisme, et qui nous emmène tout à fait ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que certains spécialistes de l'analyse vont vous dire, bon, mais très bien, on a un premier thème, un thème A, et on va avoir ici le thème B. Et pourtant, non. C'est-à-dire qu'on a ce thème qui nous emmène quelque part, mais on va avoir encore, un peu plus tard, un thème différent. Comme si Mozart avait envie, finalement, de zoom. Comme si Mozart avait envie, finalement, de nous emmener dans une promenade, visiter des contrées plus ou moins exotiques, c'est-à-dire plus ou moins éloignées de notre tonalité principale. Mais on a vraiment l'impression de visiter quelque chose de différent parce que le type d'accompagnement, on va dire la texture instrumentale, est différente à chaque fois. Et pourtant, vous ne cessez de parler de répétition, Carole Beffa, depuis le début de la première fantaisie. Mais à nouveau, selon ce principe qu'il faut avoir à chaque fois un savant dosage entre principe unitaire et principe de diversité, c'est normal. C'est parce que c'est extrêmement divers que Mozart se sent obligé de répéter, c'est-à-dire d'insister sur le principe unificateur, sinon on aurait du mal à percevoir auditivement cela comme faisant partie d'une seule œuvre, d'une seule et même œuvre. Mais c'est vrai pour les sonates ou c'est vrai même pour les opéras, pour les concertos, les symphonies ? Alors, pour les opéras, dans la mesure où on a affaire à un texte, où parfois, on va dire, la dimension dramaturgique est dictée par l'intrigue, par les paroles, c'est un peu différent. Mais dans les concertos, dans les symphonies, on aurait tout à fait le même genre de choses. Si vous prenez par exemple le 23e concerto de Mozart, que je joue intentionnellement un peu vite, on a le sentiment d'avoir quelque chose ici effectivement de suspensif. Donc, à nouveau, ce principe d'un antécédent. Et puis ici, un conséquent qui est comme une répétition, mais évidemment extrêmement variée. Ici. Quelque chose d'orné. Et seulement à partir de là, alors qu'on s'est aventuré dans des contrées assez éloignées, va se taire pour laisser la main droite parler et cadence seulement ici. Donc même dans quelque chose qui est une seule phrase, qui est la prise de parole du pianoforte ou du clavecin avant que l'orchestre n'entre dans ce 23e concerto, ce deuxième mouvement, on a là aussi des principes de répétition qui vont contrarier tous ces principes au contraire diversificateurs qui sont là au contraire, pour donner le sentiment d'avoir quelque chose d'émietté. C'est à la fois incroyablement homogène et incroyablement émietté. Avec un seul instrument, encore une fois, on parle ici. Avec... Bon, là, c'est le concerto, non, mais c'est le piano. C'est le pianoforte ou le clavecin. C'est en tout cas un seul instrument, puisque l'orchestre n'est pas encore intervenu. Alors, on va écouter encore un extrait avec vous. Avant de vous entendre jouer la sonate pour piano numéro 8 en la mineur, on va passer au mineur, vous nous direz quelle est l'importance de ce changement de tonalité. J'aimerais qu'on entende une autre interprétation, qui n'est pas la vôtre, qui est celle d'un pianiste hors pair, exceptionnel, auquel on avait déjà consacré une série d'émissions ici sur le chemin de la philosophie. Il s'agit de Glenn Gould. Et contre toute attente, il y a peut-être un compositeur que Glenn Gould joue. Alors, je n'ose pas dire joue mal, ça n'engage que moi, mais je crois que nous sommes d'accord, Carole Beffa. C'est Mozart. Alors, je vous propose qu'on écoute cette interprétation très étrange. On a l'impression que Glenn Gould se moque de Mozart ou en fait une parodie. Et vous nous direz ensuite pourquoi, et puis vous nous proposerez votre interprétation. Donc, voici Glenn Gould interprétant la sonate pour piano numéro 8 en la mineur de Mozart. Fonctionne pas dans cette interprétation, Carole Beffa. Voilà. C'est délicat parce que Glenn Gould est un génie, c'était on est d'accord non seulement un interprète d'exception, mais un grand théoricien, quelqu'un qui avait énormément d'humour et qui pouvait parler parfois pas simplement au deuxième, mais au quatrième, voire au sixième degré. C'était en plus un compositeur lui-même, mais effectivement, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'épouvantablement métronomique. Il va probablement trop vite. C'est noté allegro maestoso. On voit pas très bien ce qui est maestoso dans ce qu'il vient de jouer. Et puis on a parfois le sentiment avec quelques mauvais interprètes de Mozart. Fort heureusement, Glenn Gould est un génial interprète de quantité d'autres compositeurs, Bach y compris. On a l'impression qu'il a raidi chacune des notes avec une bonne dose d'amidon. On a l'impression que tout cela va être effroyablement ennuyeux et qu'il refuse de supprimer cette réserve qu'on devrait avoir, qui devrait donner cette musique non ennuyeuse. Alors, c'est un peu un cadeau empoisonné que vous me faites en me demandant de jouer après Glenn Gould. Parce mais c'est comme si son cœur n'y était pas, au fond. Effectivement, on a l'impression d'avoir affaire... Mais il ne peut pas ne pas faire exprès, quand même. Alors, bon, il se trouve que Glenn Gould tenait Mozart en assez piètre estime. Si je me souviens bien, il avait eu ce mot assez curieux et assez drôle en même temps, qui était, finalement, il y a un problème avec Mozart, c'est qu'il est mort beaucoup trop tard, laissant entendre que ce compositeur qui est pourtant sachant mort... qu'il est mort à 35 voilà, ans. Exactement. Bon, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est raide, sans cœur, encore une fois, machinal, métronomique, que ça ne chante absolument pas, alors que ça pourrait chanter. Cela étant dit, je ne vais pas me lancer... Vous nous proposez votre interprétation. Donc, je vais plutôt essayer d'analyser ce qu'il en est de cette musique que l'auditeur a déjà entendue. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est vrai que ça se prête effectivement à un jeu machinal, sans aucune émotion. Pourquoi? Parce qu'on a ces répétitions obstinées. On a vraiment le sentiment que l'urgence qui se dégage de ces pages tient en grande partie effectivement à ce que ces notes sont répétées comme assenées à nos oreilles. Alors, ce qui est intéressant avec Mozart, c'est que on a déjà parlé de cette chose dont il est toujours difficile de parler à la fois en philosophie et en musique, qui est la beauté. Cette beauté, elle peut se conjuguer de façon assez différente, un peu comme un thème aurait ses différentes variations. On a vu que souvent chez Mozart, elle tutoie la grâce. De temps en temps, elle glisse vers une forme plutôt d'élégance. Parfois, on a l'impression qu'elle se recroqueville, qu'elle se replie sur elle-même et qu'elle devient une espèce de joliesse. Au contraire, ici, la beauté a quelque chose du grandiose et je pense qu'elle s'approche du sublime. Alors pourquoi ce sublime? D'abord, la main droite nous dit quelque chose. Elle s'autorise quelque chose de clairement affirmatif. Elle est impérieuse. C'est vraiment elle qui s'exprime, qui prend la parole. Et la main gauche, elle, avec son accompagnement tout en croche, répété, ne fait finalement que... comme on le dit, la soutenir, l'accompagner. Il y a ce ton amer, doux amer, qui est lié aussi probablement à ce rythme qu'on entend souvent, qu'on va répéter ensuite, qui est légèrement varié. Alors, tout ça, plus le fait qu'on a l'impression que ces deux mains, on va dire, n'entrent pas en résonance l'une avec l'autre, mais sont dans une espèce de lutte, de combat. Ce qu'on voit ici. Eh bien, tout ça va faire que c'est comme si le tragique s'engouffrait. Il y a un sentiment de tumulte, de révolte, comme des lueurs d'incendie. Alors, ce mécanisme qui paraît presque impitoyable, furibard, avec ses batteries d'accords qui vont accompagner ce thème presque farouche, et qui sont souvent dissonantes. Ici, c'est le cas. Mozart joue sur la dissonance, le fait d'avoir simultanément... Et puis... ça a quelque chose, évidemment, de dramatique. Mais on a l'impression que rien ne vient freiner ce rouage et qu'une fois le bolide lancé, rien ne peut l'arrêter. Il y a comme une douleur inéluctable. Et une douleur inéluctable. Alors, qu'il y ait probablement, on en vient... Au mineur ? À la couleur mineure, au mode mineur. Alors, qu'est-ce que c'est que le mineur et le majeur ? On dit parfois, c'est un peu schématique, mais il y a une bonne part de vérité là-dedans, que l'association du mineur à la tristesse et du majeur à la gaieté, qui dériverait d'ailleurs de façon assez lointaine de la théorie antique des affects, qu'on peut trouver chez Platon, chez Aristote, est liée en fait à une chose toute simple, qui est que par rapport à la tonique, ici on est en la tierce du mode mineur, donc le do ici, est elle-même mineure, c'est-à-dire qu'on a un intervalle d'un ton plus un demi-ton. Un ton ici et un demi-ton. En revanche, si on était en majeur, on aurait une tierce majeure. Un ton plus un ton. Et alors, même si ça va être très bizarre, je peux essayer de jouer ça en majeur. Ce qui est évidemment un peu curieux, parce que on a une certaine familiarité avec cette musique, donc on se dit, je connais ça. Mais c'est aussi absolument pas ce qu'a fait Mozart, et donc on se dit, je connais, mais je sais aussi que ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors, pourquoi est-ce que cet intervalle plus petit, cette tierce mineure, nous suggérerait un état émotif différent de cette tierce majeure? Probablement parce que cet intervalle est ressenti comme fermé, propice au repli sur soi-même, à l'introversion, à quelque chose de clos, alors que le majeur, lui, est comme ouvert, il va comme inciter au contact avec les autres, à l'extraversion, à la communication. Et pourtant, il arrive au majeur d'être mélancolique, si on prend par exemple le mouvement lent en do majeur du 17e concerto de Mozart. Oui, on est en majeur. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça respire pleinement la gaieté. Symétriquement, cette bananerie musicale de Bach, elle est en mineur, et peut-être parce qu'elle est sur un tempo vif, on la ressent quand même avec une certaine allégresse. Remarquez, allegro, allégresse, donc effectivement on a un tempo allegro, et on a le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de relativement joyeux. Alors Mozart a par ailleurs cette qualité très singulière, qu'il partage je pense avec Bach avant lui et avec Schubert après lui, de nous arracher des larmes dans le majeur, parfois, et au contraire, d'être puissamment consolateur dans le mineur. C'est pour ça que cette théorie des modes et de, on va dire, de l'affect des modes, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle souffre main contre exemple. Vous avez vous-même, Carole Beffa, composé, je l'ai dit, plusieurs morceaux. Vous improvisez aussi, vous parlez très bien, on l'a entendu, hein, de la musique, de la composition, de l'improvisation. Vous avez proposé récemment des études qui ont été interprétées au piano par Tristan Pfaff. L'étude 8 porte le sous-titre de « Sur le nom de Mozart ». Et vous avez fait cette étude sur le principe d'une concordance entre les lettres de l'alphabet à partir des trois noms, Wolfgang, Amadeus, Mozart, et les notes de musique. Alors, on peut entendre un extrait, mais peut-être voulez-vous jouer un extrait pour montrer l'aspect, alors à la fois ludique, mais aussi, j'imagine, créatif pour vous. Voilà, alors je me permets de le faire parce que Mozart était lui-même un grand joueur. Il y a quantité d'œuvres qui montrent à quel point l'esprit ludique l'habitait. Je ne vais pas jouer ce début d'étude d'abord parce que j'aurais du mal, et d'autant plus que j'ai pas la partition sur les yeux, mais juste vous montrer un peu quelle peut être cette association entre notes de musique et lettres de l'alphabet, ce que nos amis d'Outre-Rhin et d'Outre-Manche connaissent mieux que nous, puisque chez eux, ça ne va pas être La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, mais A, B, C, D, et ce sont des lettres, etc., qui sont les lettres. Et donc, j'ai la chance, par exemple, d'avoir un nom de famille dont toutes les lettres sont avant le F. Et donc, B, E, F, F, A, ça fait... Mais Wolfgang Amadeus Mozart, chez lui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est allé jusqu'au F ou au H, selon la façon dont on compte? Eh bien, on revient à la maison et donc à nouveau, on va avoir donc A, B, C, D, E, F, G, et puis H, I, J, K, L, M, N, O, etc. Et à partir de là, vous pouvez d'une certaine façon coder la musique et faire en sorte que le nom de Mozart figure dans cette composition. Et c'était pour ce festival des pianissimes, je crois en 2007, qui avait pour thématique précisément Mozart, on m'avait demandé d'écrire quelque chose qui, de loin en loin, puisse faire référence à Mozart, et je souhaite le faire via cette association. Avant de jouer un dernier morceau, Carole Beffa, on a une surprise pour vous. Vous l'avez rapidement évoqué, voici un son qui vous rappellera beaucoup de souvenirs. Attention! Faites attention, c'est un clavecin, pas une barrique! Espèce de brute. Ah, c'est horrible, papa! Le pied malade? Non, non, non, c'est la canne du clairon qui est fausse. C'est quoi un clavecin? Je sais pas ce que c'est, mais ça pèse comme un veau. Très bien, tu vois quand tu veux. Prêt, Wolfgang ? Un. C'est lui qui dit « Ah, c'est horrible, papa, c'est vous, Carole Beffa, enfant qui avait donc joué Mozart dans tout un film. » Mais oui, c'était... Par quel concours de circonstances ? Oh, ben, je faisais beaucoup de théâtre à l'époque, j'ai joué dans quelques 15 films, je crois, et 6 ou 7 pièces de théâtre, ouais. Et notamment sous la direction d'Arcel Bluval, ce Mozart à 8 ans. Et jouer Mozart a une influence ensuite sur votre carrière de musicien ? Je pense, parce que j'ai dû prendre l'habitude de noircir des portées pendant les prises, puis je me suis pris au jeu, donc je les ai noircies entre les prises, et finalement j'emportais les feuilles noircies chez moi, et j'essayais de donner l'impression que j'écrivais de la musique quand je rentrais chez moi. Donc oui, ça m'a certainement donné envie d'être compositeur. Et aujourd'hui, vous en avez fait votre métier. Je vous propose, Carole Beffa, avant de nous quitter, avant de quitter les auditeurs, vous nous proposiez un dernier air, une dernière musique de Mozart à interpréter, celle de votre choix. Alors, justement, qui ouvrait chacun des génériques de ces 6 épisodes du film de Marcel Duval, c'était le mouvement lent du 23e concerto de Mozart. Nous n'avons pas de clavecin, nous avons un piano ici. Je vais essayer de vous jouer ce début du mouvement lent du 23e de Mozart au piano. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui après Mozart, la sexualité. Quelle influence les mouvements LGBT et féministes actuels ont-ils sur la sexualité, sa définition, son discours et son dispositif ? Comment la réflexion sur le sexe, sur les sexes et leurs rapports et les engagements politiques qui en découlent peuvent-ils modifier la sexualité ? C'est ce que proposent de travailler 3 textes publiés aux éditions Michel sous le titre « Sexualité en travaux ». 3 textes écrits respectivement par Jean-Claude Milner, Slavoj Žižek et Juan Pablo Lucchelli. Après l'histoire de la folie, j'avais envie d'écrire une histoire en quelque sorte parallèle. Après la répression de la folie, enfin après la mise à l'écart de la folie, quels ont été les partages qui ont été tracés dans l'ordre de la sexualité ? Tout comme il y aurait eu folie et raison, est-ce qu'il n'y a pas eu sexualité anormale et sexualité normale, sexualité permise et sexualité défendue ? Enfin bon, c'était un petit peu dans cette ligne-là que je m'étais orienté. Projet donc de faire une histoire des interdits sexuels, ou de la sexualité partagée par une ligne continue, obstinée, même si elle varie selon les époques, une ligne continue, obstinée d'interdiction, de prohibition. Alors bien sûr, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Michel Foucault et non de l'un des contributeurs à cet ouvrage, mais c'est bien Jean-Claude Milner qui le cite et entame toute sa réflexion avec le projet de l'histoire de la sexualité. La sexualité, ce terme même, c'est le premier problème soulevé ici, car qu'est-ce que la sexualité et pourquoi parler de la sexualité ? Faire une histoire de la sexualité sous-entend en effet qu'il n'y en aurait qu'une, linéaire, dans ses transformations et son essence, ou qu'il y aurait en tout cas une tentative d'unifier en une sexualité tout ce qui relève du sexuel. Alors certes, on peut faire une histoire du sexuel, de l'époque antique qui la définissait comme une incorporation de 2 personnes en une, à la sexualité actuelle comme usage, soit le rapport parfois marchandisé entre 2 personnes. Mais faut-il pour autant enfermer le sexuel dans la seule sexualité ? Comment donc parler du sexuel dans sa diversité, qu'il s'agisse de la multiplicité des actes ou de l'union même de 2 personnes différentes ? My name is... Dans sa chanson Isobel, Björk chante cette idée d'être marié à soi-même. Plus qu'une idée, au printemps 2015, une photographe de 40 ans, Grace Gelder, a décidé justement de se marier avec elle-même. C'est le philosophe Slavoj Žižek qui en parle dans le deuxième texte de ce livre. Et c'est bien le deuxième problème soulevé ici. Qui est en jeu dans la sexualité? Si la sexualité est un rapport, avec qui se fait-il? Ce rapport est-il possible ou n'y a-t-il pas de rapport sexuel comme le disait Lacan? Parler de la sexualité pose problème car elle est toujours plurielle, mais parler d'un rapport entre deux personnes l'est aussi. Car qui sont ces personnes? Le but de la démarche de se marier avec soi était selon l'intéressé de parvenir à une meilleure connaissance et acceptation de soi et de son identité. Mais qu'elle soit, sait-on jamais qui on est? C'est d'une certaine manière une des réflexions à creuser à partir des récents mouvements militants. Comment se libérer des normes? Comment vouloir une abolition des sexes et de leur rapport de domination tout en le revendiquant au nom d'une identité, d'un sexe ou d'un genre? Je ne sais pas comment les gens décident d'écrire un jour ou l'autre. Pour moi, ça a été très lié effectivement au fait que j'étais une femme et que je n'avais pas envie de vivre comme ma mère, comme je voyais les femmes vivre autour de moi. Je vivais dans un milieu provincial où il n'était pas question de sortir de la famille, où j'étais promise à un avenir très précis et qui ne me plaisait pas. Donc j'avais décidé de faire quelque chose, je ne savais pas quoi, je voulais faire quelque chose d'autre. Et bon, j'ai pensé dans ma tête, qu'est-ce que ça va être? J'avais envie de faire un tas de trucs, évidemment je voulais être exploratrice comme toutes les petites filles. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, la théoricienne et écrivaine féministe Monique Wittig retrace sa propre histoire, le rapport qu'elle entretient au schéma de genre qu'elle a connu enfant et dont elle a voulu se libérer. Qu'est-ce que la sexualité et qui est en jeu dans un rapport sexuel étaient les deux premières questions soulevées dans ce livre. Monique Wittig permet de passer à une troisième question, soulevée par le troisième texte de cet ouvrage collectif. Quel sexe, féminin ou masculin, quelle sexuation est en jeu dans la sexualité? Faut-il forcément penser en termes de différence sexuelle avec ou contre cette différence? Ou, si on le formule avec malice et pour finir en beauté, y a-t-il au final du sexe dans la sexualité? La réponse est dans ce livre, j'imagine, Géraldine. On peut le trouver aux éditions Michel et le titre, je le rappelle, c'est Sexualité en travaux. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, à Thomas Beau qui a rendu possible cette émission au 108 avec le piano, Jean-Guilain Meige qui était la prise de son aujourd'hui, le magnifique son du piano, le Steinway, et bien c'est Jean-Guilain Meige qui vous l'a diffusé sur les ondes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Mozart, philosopher avec Mozart, et bien demain nous serons en compagnie de Philippe Solers et nous célébrerons la naissance du divin Wolfgang. D'ici là, pour réécouter cette émission avec Carole Beffa au piano, c'est très simple, très facile. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur la page Facebook des Chemins de la Philosophie, sur le compte Twitter des Chemins et sur la page Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, pour la suite de notre philosophie de Mozart. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.